Des gens riches avaient une fille qu'ils aimaient beaucoup. Lorsqu'elle mourut, âgée de 15 ans, comme ils ne voulurent pas se séparer d'elle, ils la conservèrent dans son cercueil, dans la demeure familiale, bien que leur loi recommandait d'enterrer leur morte. Pendant 3 années, ils allumaient des bougies devant le cercueil. Mais au bout de ce temps, par la vertu des deux principes yin et yang, la jeune fille se mit à apparaître dans la maison, d'abord comme une ombre. Un jour, un bateau vint amarrer devant la maison, et le marin, qui aimait beaucoup la musique, se plaisait à en jouer pendant la nuit. Attiré par les sons, l'âme de la jeune fille se rendit sur son bateau. Elle causa avec lui pendant 3 nuits. Et une nuit, elle l'invita à venir chez elle. Le marin ne savait pas que la demeure de la jeune fille était un cercueil, et il l'avait suivi. Au matin, il fut retrouvé mort, étendu sur le cercueil. Les parents en furent extrêmement effrayés et se hâtèrent de les enterrer.